pied, par des chemins boueux, t'es descendu à la maison, toujours jovial. Un ou deux mois par an, jour tranquille d'un temps convulsif. Je t'ai vu sur la terrasse, nous avions l'habitude de sauver tous les trottoirs ou laisser nos visages dans le tien. À Noël, tu nous as préparé, enveloppé dans les feuilles de maïs. Mariné au regard complice, que ni caviar, ni champagne, ni mie. Tes gestes toujours contagieux et soulageaient ceux d'entre nous qui t'entouraient, car imprimé de glaïeul. Annonçait les jardins d'Éden. Quand j'avais 10 ans, je t'ai vu partir une fois. Tu te souviens, je t'ai demandé de rester. Et timidement, j'ai ajouté que je t'aimais. Jamais ma voix n'a été aussi sincère. Heureux, tu as caché tes affronts. De tes 18 enfants, 10 sont morts. Un évêque s'est indigné et tu as survécu. Les pierres de Balichara cachent encore leur hérésie. De Guanen, ta sa brise chaude caresse ton front d'or. Et ton regard était doré de chagrin. Tes cheveux noirs inviolables, ta voix refuge mystère maternel. Tu as souffert sans regretter d'être mère. Tu as eu pitié pour les connaissances et les étrangers. Tu as prolongé ton mariage pour tes filles, les enseignantes qui ont éduqué et engendré. Tu avais compris sans être compris. Aujourd'hui, vous écrivez d'au-delà. Je t'ai vu dans un palais d'ivoire et de turquoise. Je te parle encore souvent, tes clins d'œil m'éloignent de la douleur ou de l'ennui. Face à la cruauté et au mépris du monde, j'apprendrai de tes rires festifs. Jusqu'à quand on reprend ce qu'on a vécu. Aujourd'hui vous écrivez d'au-delà. Je t'ai vu dans un palais d'ivoire et de turquoise. Je te parle encore souvent. Tes clins d'œil m'éloignent de la douleur ou de l'ennui. Face à la cruauté et au mépris du monde, j'apprendrai de tes rires festifs. Jusqu'à quand on reprend ce qu'on a vécu.